full of you, full of you. You, you're my girl. Your eyes are sweet. You're my girl. You're my girl, your love I jump. You're my girl, you're my girl, and all I find. You're my girl, you're my girl, you're all I see. You're my girl. Don't be afraid, I don't wanna be you. I'm just a fool of you, a fool of you. Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Chef, bien réformé, après ça ira mieux dans ta vie. Si t'es pas d'accord, il y a des solutions. Hey, on est en démocratie. Tu peux voter, signer des pétitions, il y a mieux à faire. Chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika tous les vendredis à partir de 19h. Et on est ensemble pour 3 heures de musique. Alors ce soir, je suis tout seul dans le studio, donc il n'y a pas d'invité. La semaine dernière, nous avons eu la chance d'avoir les Barricades qui étaient venus nous présenter leur dernier album qui s'appelle Bouge. C'est d'ailleurs le morceau qu'on a écouté juste avant. Donc on avait écouté Barricade avec Bouge. Encore avant, on avait écouté Goodbye Watson avec In Your... Ah non, c'était Guns, Girls and Guns, ou l'inverse, je ne me souviens plus, je regarde, Girls and Guns, c'est tout à fait ça. Encore avant, on avait écouté Above the Red Line, avec un morceau repris des Sharpers, qui s'appelle Docteur Docteur. Encore avant, on avait écouté Zbla avec Erotic A, et on avait commencé cette émission avec le morceau qui envoyait du lourd tout à l'heure, c'était Last Avenue avec Fear to Stay. Voilà, on est ensemble pour 3 heures de musique. Alors ce soir, on va diffuser plein de morceaux parce que j'en ai énormément, j'ai ramené une valise pleine, donc avec des CD, et en plus j'ai mon petit ordinateur avec plein de musique, donc on peut en écouter pendant des heures, mais là ce soir ça sera une sélection des meilleurs morceaux, les morceaux qu'on a écoutés dans l'émission Mavrika à plusieurs reprises. Il y aura aussi des petites nouveautés, hein. Tout à l'heure on a écouté justement Bouge, c'était le nouveau morceau de Barricade, et il y en aura d'autres, hein. Je vous le dis tout de suite. Le morceau que vous écoutez qui nous sert de générique depuis déjà pas mal d'années, vous le savez maintenant, il s'agit d'un des plus grands groupes de la région orléanaise, un groupe que nous avons eu la chance de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Burning Head, et ce morceau s'appelle Midnight Dub, et ce que je vous propose c'est d'écouter une nouveauté, un nouveau morceau des Burning Head avec un morceau qui s'appelle All Set to Blow. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, et on est ensemble jusqu'à 22h. l'émission est ouvert, donc n'hésitez pas à mettre des petits messages, ça fait toujours plaisir, des petits j'aime, des plein de choses. Hein. Si j'ai pas le temps de vous répondre dans l'immédiat, puisque je fais l'émission, je suis tout seul, donc je vous répondrai dans la semaine, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour de nous suivre depuis aussi longtemps. Bientôt 12 ans d'émission Marika, et aujourd'hui c'est l'émission numéro 504. Tu critiques et tu baves, planqué comme un esclave. Fais-moi un petit selfie. T'as croisé le diable, il a changé ta vie. Partage un maximum de Paris à London. Tous tes potes vont liker, commenter, partager. Allô. Fais ta révolution. La ligne n'est pas fiable. Bug de déconnexion. Cumule et moi j'aime. Sur ton journal de haine. Histoire personnelle. Hashtag est la plus belle. Allô. parler justement d'un groupe qui s'appelle Burning Head. On a écouté un morceau qui s'appelle All Seed to Glow. Juste après, c'était les Red Daff. Ils étaient chez nous il y a quelques temps pour nous présenter leur dernier album. Et le morceau que nous avons écouté a le même nom que l'album. Ça s'appelle Fawn. Et juste à l'instant, ben, un groupe que les Red Daff adorent. Hein. D'ailleurs, ils vont faire un petit hommage à Joe dans leur album Fawn. Et ce sont les Sharpers avec un morceau qui s'appelle Till the End. Et juste après, on va écouter un autre groupe que nous allons recevoir très très bientôt. Hein. Je suis en contact avec eux. La date n'est pas encore décidée, mais ça va pas tarder à venir. C'est des Uncle Bikers avec Never Come Back. Uncle Bikers qui seront bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale et le morceau c'est Never Come Back. Juste après nous allons retrouver des amis, encore un excellent groupe de la région orléanaise. Il s'agit du groupe La Jarrie, on les écoute tout de suite. Salut, c'est Benoît. Salut, c'est David, on est La Jarrie. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. j'ai perdu un copain. Maman pour lui acheter un bonbon, c'est pas une chanson sur le dit bien, mais la maman qui fait de son fils un type bien. C'est pas une chanson sur la mère poule qui vous protège de tout ce qui sort du nid. Plutôt une chanson sur la loupe, si tu te caches, t'enfuis, elle te jette au cœur des ennuis. Maman que je chante ne cuisine pas des gâteaux, mais elle nourrit le carnivore au verso. Je ne parle pas du type Meryl Streep frère. Ma mère ressemblerait plutôt à Sigourney Weaver. Si le faut, elle vous corrige avec une voix. Elle n'est jamais maltraitée par un vandale. Son loup plus net auprès des enfants qu'elle protège. Si quelqu'un déraille, sûr qu'il tomberait dans un piège. chocolat sur mes lèvres. Je te préserve, mais je ne réponds plus de moi. Si je me relève, là sur tes lèvres, je te préserve, car je n'ai une montée de fièvre entre l'âge et le glaive. Nous n'avions plus de réserve. Un fait divers en automne, d'un élan qu'on se donne à ta robe qui traîne. Je remets sur tes lèvres. Yeah. Je marchais le long de la voie ferrée, mon carnet de vie qui débutait. De l'eau de rose à la postérité, une après l'autre les pages se remplissaient. Je regardais les trains passer, où pouvait-il bien aller? La bouteille d'encre renversée, j'ai pas vu les années passer. Et combien de fois mon cœur brisé, les yeux pleins de larmes, j'avançais. Je regardais les trains passer, je voyais les gens s'en aller. Tu allais rester, main dans la main qu'on s'aimerait, peut-être qu'on s'envolerait, en regardant les trains passer. Et si tu restes à mes côtés, s'en aller. Je marchais le long de la voie ferrée, mon carnet de vie qui débutait. De l'eau de rose à la postérité, une après l'autre les pages se remplissaient. Je regarde les trains passer, je ne vois que des gens s'en aller. Je regarde les trains passer, j'ai jamais vu que des gens qui partaient. De la musique pour décorer mon chiotte, toutes les putes de Saint-Tropez sur une montagne de coke, une villa à Bangkok avec dauphins dans la piscine, et ma gueule sur un poster dans la chambre de ta gamine. Je veux dealer toutes les richesses de la Centrafrique et recevoir un prix Nobel pour mes attaques chimiques. Je veux tout et son contraire, je veux l'avant, je veux l'arrière, et je veux des cocotiers sur la calotte polaire. Je veux tout savoir avant les autres et faire briller ma science, devenir le chaman responsable de vos trans. Je veux l'absence et le présent, l'innocence et l'indécent, et devenir une méga star mais sans aucun talent. Je consomme donc je suis, je consomme donc je suis, je suis. Je veux être et avoir tout et à outrance me gaver de caviar et mourir à 200 ans. Je veux devenir une légende, mais pas comme mes parents, et ne jamais trimer pour gagner de l'argent. Je veux faire sauter les banquiers, retourner le système, distordre les consciences et m'enfuir avec la caisse. Je veux devenir l'étendard de ma génération, manipuler les masses à la télévision. Je veux écraser autrui et me sentir supérieur, avoir les abdos protéines et Sylvester Chesterfield à la main. Je veux fumer le monde, marquer de mon empreinte, le sublimer le monde. Tout s'achète, tout se vend. Tout s'achète, tout se vend. Tout. la planète, claquer le PIB de l'Éthiopie pour une corvette, inventer des virus pour vendre des vaccins à des populations qui n'ont pas les moyens, jouer des milliards d'amis imaginaires sur les réseaux simplement pour faire bander mon ego. Je veux le jour, je veux la nuit, l'omniscience et puis l'oubli, et des plages en hiver aux portes de Paris. Je veux devenir le prophète de la connerie humaine, mater mon portrait sur les live BFM. Je mérite plus que ça, je mérite plus que moi, je mérite plus que moi. Jartel avec le nouveau titre, c'est la première fois que je le diffuse dans l'émission Maureka, un groupe qui est déjà venu il y a très longtemps dans l'émission Maureka, il va falloir qu'il revienne de toute façon. Le morceau s'appelle Ego Trip, juste avant c'était La Loi des Séries avec Regardez les Trains, encore avant c'était les Twister Cover avec All Alone, Angeville et Sophie B, brève rencontre, les Noital avec My Heaven, les RNCs avec Muscle Boat. Bouty, on va dire ça comme ça en anglais, avec l'accent hein, en plus. Et encore avant, c'était les Turn Off, James Carter, Skawax, Mother, Hood Syndicate, les Comintern Sect, Que restera-t-il de toi ? Voilà, on a envoyé de la musique, qui, la première heure, qui envoyait bien comme du queue, qui envoyait bien du bois, on va dire ça comme ça. Et là, on se calme un petit peu plus, donc les Jartel. On va écouter aussi un morceau qu'on a découvert la semaine dernière, donc le clip était sorti à 19h, et à 19h05, vous l'aviez sur Radio Arc-en-Ciel. Le morceau s'appelle L'Aube nettoiera mes eaux. Il s'agit du groupe Dirty Charlie que nous avons reçu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Une assiégeante et futures moins nombreuses en tournure scabreuse. La vérité rampante gangrène jusqu'aux pentes de ma lance arditeuse. Dernière enceinte de merde. L'espoir est l'ami intime du pire. Les cendres succèdent aux empires. En ampoule chaude, un hache, mon corps, où la mort ainsi germe, ton ultime spasme détache, cœur tend ton cher muscle puis succès aux empires. L'espoir est l'ami intime du pire. Les cendres succès aux empires. Le site rejoint le we cri de ralliement de la maman bifette qui appelle ses enfants pour rassembler la famille au complet. Mais un enfant devant la télé, à table, à toutes les générations se retrouvent en carré ou en rond. Et de mon temps, on avait d'autres manières, dit le vieux Alado, plongé dans Twitter. À table, c'est temps et les poussières de notre vie passée à table. À ma table, moi j'aimerais t'inviter tous les jours dès le petit déjeuner. À table, il y a toujours un crétin pour nous parler du sort des petits Africains, comme si la culpabilité culinaire pouvait devenir denrée humanitaire. À table, ensuite des déclarations, je t'aime, des reproches, des remises en question, pour finir par pousser les soupirs, quand on se rend compte qu'on n'a plus rien à se dire. À table, c'est temps et des poussières de notre vie passée à table. À ma table, moi j'aimerais t'inviter tous les jours dès le petit déjeuner. À table, on découvre ses collègues. Et tiens, je ne savais pas que le comptable était bec. On parle en bien de ceux qui sont présents et en moins bien de ceux qui sont en déplacement. À table, des phrases toutes faites. Hey, c'est super bon, hey, tu me donneras la recette. En se disant, je la referai d'ailleurs, je la referai, c'est sûr mais en meilleur. À table, c'est temps et des poussières de notre vie passée à table. À ma table, moi j'aimerais t'inviter tous les jours dès le petit déjeuner. À table, le moment idéal pour annoncer des news un peu brutales. Hé, hey, hé, hey, papy, et ton petit-fils va se marier avec Rémi, le chef cuisinier. De table, on sort pour prendre l'air, pour digérer les nouvelles et le dessert. Jusqu'à la question exutoire, dis donc, qu'est-ce que l'on mange ce soir? À table, c'est temps et des poussières de notre vie passée à table. À ma table, moi j'aimerais t'inviter tous les jours dès le petit déjeuner. À ma table, moi j'aime le temps. Ah, les vilaines choses, on les avait reçues dans les studios. Franchement, on avait passé un super moment, très bon souvenir de leur passage. Bah, d'ailleurs, s'ils ont des actualités, ils sont toujours les bienvenus, les vilaines choses, avec un morceau qui s'appelle À table. Juste avant, c'était les Dirty Charlie, l'aube nettoiera Mezzo. Et juste après, je vous propose un morceau d'un groupe, qui est souvent interprété par, les Red Daff. Le morceau s'appelle La Sentinelle. C'est Luc. Et on va écouter la version originale cette fois-ci, Luc sur Radio Arc-en-Ciel. Dans le cri du cœur, la vérité ou la raison, vous n'entendez donc que la bête et ses réponses à vos questions. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que la peine était un mode de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? La bête ou bien l'oppression? Mon cri sert de silence aux fossoyeurs de compassion, aux mijaurés de la suffisance, aux incendiaires de l'unisson. Quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion, à cette soupape, cette sainte attelle, j'aurais pu encore dire non. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Ou bien l'oppression? Ou bien l'oppression? Avale donc ta rengaine, avale donc tes sanglots, de l'amour ou de la haine, qui donc aura bon dos? J'ai eu ce cri de guerre, pas en faux frère, mais en son nom, je donne ma main à l'enfer, sous le crachat ma rédition. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, le vendredi soir de 19h à 22h. C'est Albino qui est là avec vous pour 3 heures de musique. On a écouté déjà pas mal de choses et on va continuer avec un morceau d'un groupe qui avait fait un petit morceau il y a pas très longtemps, un petit morceau, un bon morceau puisqu'on l'avait passé pas mal de fois. Depuis, on n'a pas de nouvelles. Il s'agit du groupe Corrosive System, s'ils nous écoutent et qu'ils ont de l'actualité. Il faut vraiment qu'ils nous tiennent au courant. Le morceau s'appelle 99%. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Pour 100%. quand je vous disais que c'était bien le groupe Corrosive System avec 99%, ben avec un morceau comme ça, vous pouvez pas dormir tout de suite. Hein. Il va falloir sortir peut-être ce soir et aller voir les concerts. D'ailleurs, je peux vous rappeler que justement sur Facebook, il y a une nouvelle page. Ça s'appelle le nouvel agenda de Mavrika. Et dessus, vous avez tous les événements qui se passent dans la région orléanaise avec les groupes que vous connaissez et que vous connaissez peut-être pas, que vous avez envie de découvrir. Voilà, donc l'agenda de Mavrika sur Facebook, eh ben c'est toujours Mavrika. En tout cas, ce soir, on est ensemble et on va continuer avec un autre morceau. Le morceau s'appelle Storm et c'est un groupe qui est passé chez nous il y a quelque temps. Il s'agit du groupe Mean Circle et juste après, on écoutera les Prism A avec Rock Now. Yeah. ça envoie. T'aimes pas le disco, t'aimes pas la techno, t'aimes pas très punk, t'aimes pas très punk. L'électropop, ça fait un flop. if you dare to settle down. May you listen to this song. Talks about freedom, love and friends, and people walking hand in hand. Like a soul, I dream of a little hope, the one you won't find in your horoscope. Call it a sweet love, come in here. Rest your head on my shoulder, dear. It's time for us to do the best we should. Spread around cheer in the neighborhood. Lend me your hand in for a little while. It won't take long, just a song and a smile. So sing along with me, sing along. It'll give you strength, it'll keep you strong. And things never be the same if we change the rules of the game. Your hands, move your feet in time. On the top of the highest mountain we can climb. To tell the world that it's not too late. We can be one, we can be great. Like a soul I dream of living free. No color, no border, bound no slavery. Sing along with me, sing along. It'll keep you strength, it'll keep you strong. And things never be the same if we change the rules of the game. So sing along with me, sing along. It will keep you strength, it'll keep you strong. And things never be the same if we change the rules of the game. If we change the rules of the game. If we change the rules of the game. It will change the rules of the game. On se tire, tracer la route, partir, ne plus jamais mentir, arrêter de courir. On ira voir l'océan, et si au-delà il y a le néant sur nos peaux, la caresse du vent, tous les deux être vivants. Allez, viens, on se tire, bercé par le son de nos rires, le silence, nos soupirs, aimer la vie vieillir. Respirer d'un même cœur, s'aimer. Allez, viens, on se tire, hurler les plus beaux jurons, et ensemble, dansons, oublier. cacher, ne plus fuir. Plus rien pour nous détruire. D'un même cœur s'aimer, d'un même regard s'admirer, d'un même geste s'enlacer. Allez viens, on se tire. Ne plus jamais mentir. Allez viens, on se tire. Tracer la route, partir. Allez viens, on se tire. Ne plus jamais mentir. ne répond plus aux appels. Non, non, non. Elle a un côté irréel, a un côté tout rangel. Aime dormir à l'hôtel. Elle se croit encore immortelle. Voit la vie tout en pastel. N'aime pas qu'on la tienne.

la jouit comme moderne. Qu'a le temps de rien, sommeil en berne. Mais faut que ça pulse, faut que ça avance. Des fois, j'en oublie la patience. Quand je croise ceux qui ont du temps, alors que je cours après trop souvent. Ce qu'il fout là, ce vieux, c'est vrai, ça me colle les nerfs au taquet. Je n'avais rien prémédité. Faut dire qu'il m'a bien énervé. Je ne peux pas plaider l'homicide, je parlais plutôt. Malgré une réflexion ramollie, pourquoi faire ses courses le midi, ou bien même pire, le mercredi. L'intention semble tellement sadique, comme pour nous imposer leur rythme. Quand ils s'arrêtent en plein rayon, prendre des nouvelles de Raymond. J'avais rien prémédité. Faut dire qu'il m'a bien énervé. Je ne peux pas plaider l'homicide. Je parlais plutôt de gérontissime. Je dois vous paraître cruel, adolescent du genre rebelle. Avouez, n'ayez donc pas la trouille, vous aussi, vous casse l'air. Les années filent et je vieillis. Par habitude, j'irai en course le samedi. Mes enfants, soyez indulgents, ça me fera du bien de croiser des gens. Je préfère donc anticiper. Même quand je vais vous énerver, soyez donc un peu plus lucide, sauvez-moi du géronticide. Je préfère donc anticiper, même quand je vais vous énerver, soyez donc un peu plus lucide, sauvez-moi du géronticide. Trahison, tyrannie, oppression. Je fais bien sûr allusion à vos bobards et illusions. Expulser les étrangers alors qu'ils vous ont bien arrangé. À une époque pas si lointaine, vous les exploitiez par centaines. Nous voulons la paix, mais jamais vous ne la porterez. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir opprimés. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir offensés. Nous voulons la paix, nous voulons nous sentir protégés. Mais jamais vous n'apporterez ce monde parfait. Pas d'illusion. Fasciste, antisémite et raciste. Mais peu importe l'origine qui est la nôtre, l'important c'est l'amour de l'autre. Odessa et FN, ils n'inspirent que la haine. Véritable gangrène, tous les mêmes. Nous voulons la paix, mais jamais vous ne la porterez. Nous voulons la jamais nous sentir opprimés. Nous voulons, nous voulons, nous voulons la paix. Ne jamais nous sentir offensés. Nous voulons, nous voulons, nous voulons la paix. Véritable égalité. Mais jamais vous n'apporterez. Trahison, tyrannie, oppression. Voici la véritable facette de votre programme qui n'a ni queue ni tête. Nous voulons, nous voulons, nous voulons la paix, mais jamais je ne la. Mathis Poulain sur Radio Arc-en-Ciel. Juste avant, c'était Mourad, Géronticide. Mathis Poulain, en fait, c'était ce monde parfait. Hein. Vous l'avez sûrement entendu, hein. Il le répète assez souvent. Vince Terranova avec Un Monde Après. On avait écouté aussi Elixir, un live Mavrika dans l'émission numéro 165, pour vous dire que c'est à sa date. On est à l'émission numéro 504 ce soir. Et le morceau d'Elixir, c'était Dancing With Myself. Juste avant encore, c'était Jimo avec Délire de minuit. Hein. Il n'est pas encore minuit, mais on peut déjà commencer à délirer. Encore avant, c'était L-E-L, avec un titre qui s'appelle L-E-2-L-E. Encore avant, c'était les KTS, avec Kill de Shade, on va dire ça comme ça, avec un morceau qui s'appelle Rue des Cœurs. Encore avant, c'est Max de Giovanni avec Allez, viens. Et on avait commencé cette série avec Jack F, The No Name Song. On est encore ensemble pour 45 minutes, encore de bonnes musiques à écouter. Et on va continuer tout de suite avec un titre d'un groupe qui est venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Duck et le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle « Qui sèche ». Petit séjour en bord de mer, je n'emporte que le nécessaire. Je vais passer la semaine au Venteur, il ne me faut que peu d'affaires. 3 jours passés, il faut l'admettre, je n'ai plus grand chose à me mettre. Il faut maintenant que je m'active, il est grand temps de faire une lessive. Mon linge est étendu, il sèche, il sèche, il sèche. Je vais rester toute nue pendant que ça sèche, ça sèche, ça sèche. Mon linge est étendu, il sèche, il sèche, il sèche. Je vais rester toute nue pendant que ça sèche, ça sèche, ça sèche. Ce soir je reçois quelques amis, il faut que ce soit réussi. Je prépare une salade bien garnie et un dessert tout petit flouti. De l'huile d'olive sur la plancha, je vais faire des gambas avec quoi. Dans le frigo je fouille, je fouille, j'ai un reste de ratatouille. Ça y est, j'ai une idée. Y a des blancs de sèche, de sèche. Je vais les faire mariner. Tous ces blancs de sèche, de sèche. Ça y est, j'ai une idée. Y a des blancs de sèche, de sèche. Je vais les faire mariner. Tous ces blancs de sèche, de sèche. On sort ce soir après dîner, va falloir un peu se maquiller et puis surtout se recoiffer.

viendrai pas. Mes amours et mes amis, je vous laisserai là. De Paris à Damas, la couleur est la même. De Paris à Damas, oh, et j'explose sous le son des missiles, au cœur de l'Hexagone. Je m'enfuis dans vos veines, je suis la haine. Petit à petit, voilà mon règne, je suis la haine. Je vous attrape et je vous aime, je suis la haine. Aux armes, citoyens, oubliez que vous êtes humains, tuez-vous comme des chiens. Je suis la haine. Au bal des nazes, au bal toutes les musiques, de toutes les guinguettes. Je les danse toutes, je tourne comme une girouette. Une marche, un tango, voire un morceau de jazz. L'important, ne pas rater la valse au pas. Tel ou tel portefeuille, j'accepte. J'y connais rien, et alors, y a pas de problème. Je m'adapterai, je m'y ferai, je ne suis pas inepte, je veux qu'on m'aide. Je veux être ministre, et j'y serai quand même. D'aucuns me cherchent des coups dans la tête, me tendent des pièges, posent des questions indiscrètes. Bien sûr, je réponds à côté, mes réponses sont toutes prêtes. Je veux qu'on m'aide, je veux être ministre. Et j'y serai quand même. écoute beaucoup de musique française dans l'émission Maureka ce soir. On avait écouté tout à l'heure Vince Terranova avec Un Monde Après, Mourad avec Géronticide, Mathis Poulain avec Ce Monde Parfait, Douk Qui Sèche, Le Soupule avec Bleu Marine, Burgandy La Haine, Mona Lisa 2020 avec Le Bal des Nazes, et actuellement c'est No More Back avec Armement. Voilà. Juste après, on continue encore avec un groupe que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Patient Z et on va écouter Du Son Sur Les Murs. Dire que ça crache, hein, le groupe Patient Z avec du son sur les murs. On continue avec un titre qui s'appelle Libertine et c'est The Delaney qui interprète. say I am just a simple viewer. I don't kiss and tell. I've uncovered the secret angel. Beautiful eyes, she doesn't look innocent. Before the crime. les bonnes choses ont une fin, je vous rassure, les mauvaises aussi. Hein. On arrive à la fin de cette émission, Everything is gonna be alright, que le rock and roll soit avec vous, et n'oubliez pas qu'une vie sans musique serait vraiment une erreur. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, on a écouté les Delaney avec Libertine, le groupe No Blush que nous avons reçu il y a quelques semaines, ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, avec le fameux morceau Get Down. À l'instant, actuellement encore, on les entend encore, c'est le groupe Summer Chance, pas pour longtemps d'ailleurs, ils sont arrêtés aussitôt. Hein. Ça s'appelle Sleepwalking, le groupe Summer Chance. On va écouter encore les Yeti avec une reprise des Bungles qui s'appelait Video Killed the Radio Star. Et on terminera cette émission numéro 504 avec l'émission Maverica, bien entendu, 504, avec un morceau de Roraima qui s'appelle Press Play. Ça sera plutôt Press Top, puisque ce sera le dernier morceau de cette émission. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour encore de la très bonne musique, de la musique locale et plus, hein, même on aime bien s'évader un petit peu, partager plein de choses que les autres radios ne vous diffusent pas forcément. Et ils ont bien tort, ils passent à côté de plein de bons artistes. En tout cas, ici, l'émission Maverica, on est là pour ça. Et on continue tout de suite, donc, comme je vous l'ai dit, avec le groupe Yeti, Radio Kill the... Non, Video Kill the Radio Star. Who starts to play? sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Que vai ser o centro da próxima ofensiva russa, de acordo com as autoridades de Kiev, e a Casa Branca também confirma esse cenário. As reações ao ataque à estação ferroviária sucedem-se, João Alexandre. Desde logo, os Estados Unidos, através de uma mensagem na rede social Twitter, o presidente norte-americano Joe Biden escreve que o ataque em Kramatorsk se trata de mais uma terrível atrocidade cometida pela Rússia ao atingir civis.